raconte ma ville, pas de conneries, je le jure sur ma vie. Mon parcours en dents de scie, connais par cœur l'illicite. Des histoires à ne pas dormir de la nuit, entre filles, facile et whisky. Je raconte ma ville, pas de conneries, je le jure sur ma vie. Mon parcours en dents de scie, connais par cœur l'illicite. Des histoires à ne pas dormir de la nuit, entre filles, facile et whisky. La mélodie du froissement des liasses, de la peu de flat, l'ego, tout comme les deux putains longs, au suive à la trace, le zèle, faut que tu veilles, oh. Grain, les petits bosseurs sans cerveau dépensent le bénéfice si on leur lâche la bride. Parle au téléphone sans se méfier, comme si l'affaire était licite. Règle les litiges à la gifle, entreprise ouverte jour et nuit. Tu réinvestis dans le propre, mais là tu ne tombes pas. Tu réalises que le jackpot à l'allure d'une rock, Kavit, Kaira, pas de rockstar. Bien souvent, y'a qu'un pas. Du shit à la coque, de la rue à la zone, de l'osso à la tombe. Des thunes dans la poche, le pompe dans le coffre, tu ressens dans le poste. Forte odeur d'urine sur le trottoir, mon bel by night. Le centre-ville, c'est clochard, ça racaille les beaux-arts. Superficiel comme le ravalement des façades. Je te souhaite la bienvenue au spectacle. Je raconte ma ville, pas de conneries, je le jure sur ma vie. Mon parcours en dents de scie, connais par cœur l'illicite. Des histoires à ne pas dormir de la nuit, entre filles, facile et whisky. Je raconte ma ville, pas de conneries, je le jure sur ma vie. Mon parcours en dents de scie, connais par cœur l'illicite. Des histoires à ne pas dormir de la nuit, entre filles, facile et whisky. Bienvenue au spectacle, les gars de la BAC se prennent pour l'espèce. Nats, Dell et Southside, clairement identifiés sur la carte. Différent de ce qu'annoncent les agences de voyage, consulte les astres ou une voyance de cause en direct live des Bermudes. Génération perdue, nombreux sont les voix sans issue, garde à vue, accident de la vie. Sans permis ni ceinture, de sang à l'heure sous whisky, grosse berline, vite teintée. L'illicite nous a tous tentés, d'une façon ou d'une autre, peu importe le pourquoi, du comment on baise l'autre. Seul le cash compte, du moins c'est ce qui se raconte, car à ce que je sais, on n'embarque pas le pognon dans la tombe. L'argent du poison reste un poison, j'en sais quelque chose. Quelques ardoises et coups de pression, les soi-disant bonhommes te dénoncent. Je comptais pas jouer les prolongations. En fait, j'ai fait qu'une mi-temps, j'allais pas attendre comme être sous écrou pour longtemps. Dans mon entourage, trop d'histoires d'argent. Je raconte ma ville, pas de conneries, je le jure sur ma vie. Mon parcours en dents de scie, connais par cœur l'illicite. Des histoires à ne pas dormir de la nuit, entre filles, facile et whisky. Je raconte ma ville, pas de conneries, je le jure sur ma vie. Mon parcours en dents de scie, connais par cœur l'illicite. Des histoires à ne pas dormir de la nuit, entre filles, facile et whisky. Smoking blunts, once again I'm routine. Smoking blunts, smoking blunts was a daily routine.